Manuai. Qui j'en sais pas, m'pas qu'à comprendre, ça qu'à vivre comme si pas ni problème. Pourtant, ça savent, la vie, la reine, qui j'en sais pas, couper ça, kembe. Sous-classé, ça le médicament, nous ni. Sous-classé, ça le médicament, nous ni. Sous-classé, c'est le médicament, nous n'y. Sous-classé, c'est le médicament.